Ainsi se termine votre nuit rêvée, Fabrice Luchini, alors avec Sacha Guitry. Elle se termine avec Sacha Guitry, donc il y a pire, parce que pour l'homme de théâtre que vous êtes, actuellement au théâtre Antoine, pour encore plusieurs semaines, c'est Voyage au bout de la nuit, La banlieue, entre parenthèses, Louis-Ferdinand Céline. C'est un spectacle que vous avez repris. Oui, j'ai repris, c'est mon premier spectacle sur Céline, du voyage, parce qu'après, en 2000, 15 ans plus tard, j'avais fait l'Amérique, la période américaine. Comme il y a la période 14-18, la période africaine, la période américaine et la période banlieue. Moi, j'ai commencé en 85 la banlieue et c'est celui-là que je reprends. Et je vais peut-être reprendre, mais c'est pas sûr, la période américaine. Mais pour le moment, je suis sur le docteur des touches à la Garenne-Rancy, là, tout de suite après. Tout de suite, alors je me suis installé en banlieue, mon genre, à la Garenne-Rancy, là, dès qu'on sort de Paris, tout de suite après la porte Brancion. Voilà. C'est l'installation du docteur des touches. Alors Céline, on l'a eu lui-même, avec sa vraie voix, dans votre programmation, dans celle de votre nuit rêvée, Fabrice Luchini, comme on a pu entendre alors dans le désordre, Philippe Muret, Louis Jouvet, Bernard Privat, Claude Darget, Philippe Clévenot, Gustave Flaubert ou presque, en tout cas c'était Henri Guillemin qui célébrait Madame Bovary. Et puis Flaubert, du côté du cinéma, vous nous avez dit dans quelques semaines ou quelques mois... Oui, dans 3-4 mois sortira Gemma Bovary, le film d'Anne Fontaine, dans lequel je joue... un bobo éditeur qui se retrouve directeur de la boulangerie de son papa et qui va découvrir une créature absolument somptueuse jouée par une actrice de génie anglaise qui s'appelle Gemma Arterton, qui est une grande star en Angleterre et aux États-Unis et qui joue une Madame Bovary de notre époque. Et puis est sorti aussi, pour revenir à Louis Jouvet, Le comédien désincarné chez Flammarion, dont vous avez écrit la préface, de même que vous aviez écrit une préface pour votre ami Sacha Guitry. Laurent Terzieff. J'ai fait aussi. Oui, voilà. Enfin, là, chez Terzieff, c'était un ami incarné pour le coup. On ne vous demande pas d'écrire vos mémoires. Je pense que 17 éditeurs par jour vous appellent. Oui, mais je ne suis pas capable. Bon. Comme dirait Flaubert, quand tu as parlé de moi, arrière la guenille. Merci Fabrice Luchini, c'était votre nuit rêvée que l'on pourra retrouver dès demain sur le site franceculture.fr à la rubrique Nuit rêvée de France Culture et on pourra télécharger, écouter, réécouter en ligne. Voilà, c'est ça la formule. Philippe Garbi, Olivier Pasquier, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, eh bien nous vous remercions Fabrice Luchini. Mais c'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous et évidemment à vous Fabrice Luchini, le premier mais pas le seul. Oui, bien sûr. À tous les auditeurs. Merci.